la maison, sur la route ou avec vos chums, Énergie a les meilleurs classiques de rock pour votre fin de semaine. Weekend Énergie, samedi et dimanche dès 11h. Énergie. Classique Fun et François Pérusse demain matin, 5:25, dernière de la semaine du Boost. Si tu veux commencer ta journée de la meilleure façon qui soit, c'est ici que ça se passe sur Énergie. Et François Pérusse qui est là également les vendredis et samedis de 6h à 9h avec les 180 minutes du peuple, du nouveau stock. Aussi des vieux classiques qui nous rappellent les tombes 1, 2, 3 qu'on connaît donc bien par cœur. Donc manquez pas ça, ici même sur Énergie. Kings of Leon, ça va être bon ça, Mustang et Radiohead en 95. Voici High and Dry sur Énergie. Two jumps in a week, but you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. You kill yourself for recognition, kill yourself to never, ever stop. Another mirror, you're turning into something new or not. Don't leave me. Conversation, you'll be the one you cannot talk. All your insides fall to pieces, you just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you got the world all so stacked. Are you a Mustang or a kitty? on the kid downstairs. I could not be bothered to pretend to care. I like to watch you eat in front of the camera. Avec Pierrick et Jacques Alain. MCC sera de retour demain. On me dit qu'elle a retrouvé sa voix. Elle n'a plus la voix de Myriam Segal ou de La Poune. Donc, elle sera de retour demain. 5h25 au grand plaisir de ma blonde qui aime pas bien ça quand je la réveille à 4h du matin pour passer du temps à la radio avec vous autres. Mais c'est correct, pareil. Je peux comprendre. C'est dur de se réendormir par-dessus. À 7 degrés demain à Québec, vous avez bien entendu. Moins 8 cette nuit, pas mal la dernière fois que ça va arriver. Ça, 9 avec du soleil samedi, 15 alternant soleil, soleil-nuage dimanche et de la pluie 5 lundi. Ça va fondre en fin de semaine, les amis, avec du soleil et non de la pluie. Donc, dans ce temps-là, c'est encore plus fun. Il n'y aura pas trop de débordements. On se le souhaite, du moins. Dans les prochaines minutes, encore des gros classiques du rock, vos demandes spéciales et du Ram Jam. Bam a lamb, whoa, Black Betty. Bam a lamb, Black Betty had a child. Bam a lamb, the damn thing gone wild. Bam a lamb. Notre promesse, vous offrir toujours plus de classiques du rock. Énergie. Confiez l'entretien de votre thermopompe ou de votre climatiseur au technicien certifié de FixAC, votre spécialiste à Québec et Lévis. Informez-vous sur les nombreuses subventions disponibles. FixAC.ca. Ici Isabelle Villot, pas de fermeture prévue pour ce soir et la nuit prochaine, mais on se prépare à la période de dégel 2025 qui est prévue pour la zone 1 entre le 24 mars et le 23 mai. Pour la zone 2, même chose. Et pour la zone 3, du 31 mars au 30 mai. Évidemment que ces dates peuvent changer en fonction de l'évolution des conditions météo. Chez Jean Coutu, on trouve de tout, même près de 3000 produits du Québec jusqu'à mercredi. Les papiers mouchoirs Scotties sélectionnés sont à $8,99 l'emballage. Faites le plein d'énergie avec le Mitsubishi Outlander PHEV. Louez-le à partir de $269 ou deux semaines à 2,99% pour 48 mois. Plus, profitez d'un entretien sans frais pendant deux ans. Avec son efficacité hybride rechargeable, son design avant-gardiste et sa valeur inégalée, le Mitsubishi Outlander PHEV est votre code de triche pour des aventures dans le monde réel. C'est comme gagner tous les niveaux. Visitez votre concessionnaire aujourd'hui ou visitez le MitsubishiMotors.ca pour plus de détails. Les conditions s'appliquent. Le samedi 22 mars à 14h, ne manque pas la 13e édition de l'emblématique Défilé de la Saint-Patrick. Un événement gratuit et unique en Amérique du Nord. Fanfare, groupe de danse et animation sur place. Départ sur l'avenue Cartier jusqu'à l'Hôtel de Ville de Québec en passant par le Château Frontenac. Moi, c'est seul et bien accompagné. Moi, c'est où je veux et quand je veux. Et moi, surtout, c'est sans frais et sans compromis. Et vous, comment investissez-vous? Grâce aux plateformes Dysnap de Desjardins Courtage en ligne, investissez comme vous l'entendez avec 0$ de commission sur les transactions sur actions et fonds négociés en bourse. Et profitez d'outils et de formations gratuites pour vous éclairer. Rendez-vous sur Dysnap.com. Certaines conditions s'appliquent. Du 13 au 16 mars, méga vente chez Les Tourneaux. Des économies partout, 15 % de rabais sur les accessoires comme les os, jouets, cages et plus. Sans oublier 6 $ de rabais à l'achat de 2 sacs de litière Otherlock de 12 kg. Détails sur lestourneaux.com. Bienvenue au Lotus Blanc. Un paradis pour se détendre. Un lieu idyllique pour se ressourcer. Les amoureux, les familles, les amis, tous y viennent pour fuir leurs tourments. Mais le bonheur apparent, les sourires de façade sont trompeurs. Car au Lotus Blanc, le karma n'épargne personne. Le Lotus Blanc, nouvelle saison. Une série originale HBO. À regarder maintenant. C'est bon en crave. Paix intérieure non incluse. Envie de fromage, de viande et d'une boisson rafraîchissante chez Tim? Faites-en un trio avec la nouvelle pizza sur pain plat Tour du Chapeau 3 viandes, le nouveau pain à l'ail et un rafraîchi Tim pêche limonade. Commandez votre trio chez Tim aujourd'hui dans les restaurants participants au Canada pour un temps limité. Achou! Les allergies frappent fort. Moi, j'ai pas de problème avec les offres du Printemps de Belle. Regarde mon nouveau téléphone. Wow! J'en veux un! Avertissement. Les offres du Printemps Belle ne guérissent pas les nids qui coulent. Par contre, les effets secondaires incluent la navigation hyper rapide, des forfaits avantageux et des clients débordants de joie. Passez à Belle, le réseau 5G+, le plus rapide au pays, et économisez plus de 1 000 $ en échangeant votre téléphone admissible. Visitez un magasin Belle ou belle.ca/printemps pour les détails. Ce printemps, la vie est belle. Aujourd'hui, Simone a offert des fleurs à Marie pour sa fête. Paul a nagé sa 150e longueur de l'année. Lisa a terminé son roman au feu de foyer. Et Françoise s'est délectée à la salle à manger. Et vous, votre retraite? Venez nous rencontrer lors des portes ouvertes des résidences du groupe Maurice le 16 mars de 13h à 16h. Pour plus d'informations, visitez legroupemaurice.com. Le groupe Maurice. Vieillir. C'est vivre. La maison intelligente Hilo m'aide à mieux consommer l'énergie et à faire des économies. Est-ce qu'elle fait ton ménage aussi? Non, ça c'est encore dans ma cour. Du 12 au 24 mars, économisez 40% sur le service de maison intelligente Hilo par Hydro-Québec. Des conditions s'appliquent. Un événement unique. Cette semaine, vivez l'adrénaline des nouvelles sensations. Nouveau modèle, nouvelle équipe, une approche différente. Faites partie de la famille. Beauport Mazda. Énergie disponible sur iHeartRadio. Demain, 5h25, la semaine finit en force avec Pierrick, Vince, MCC, Jacques Alain et François Pérusse. Le Boost. À Québec, plus de classiques. 98.9. Énergie. She really gets me high. Bam-a-lam, you know that's no lie. Bam-a-lam, she's so rock steady. Bam-a-lam, and she's always ready. Bam-a-lam, whoa, back Betty. Bam-a-lam, whoa, back Betty. Bam-a-lam. Birmingham, Bam-a-lam, way down in Alabama, Bam-a-lam, well, Bam a lamb, boy, she makes me sing. Bam a lamb, whoa, black pity. Bam a lamb, whoa, black pity. Bam a lamb. You said you did it for the dopamine. You didn't mean to leave me so f- up. You did it for the dopamine. And could it be that I'm just not enough? It's so hard to accept that you're gone and that's it. You did it for the dopamine. And it didn't mean anything at all. Got a bit of for days, might be losing my mind. Got up thinking of ways I could turn back the time. Time is not on my side. Feeling empty inside now that you've gone away. I can picture you in someone else's place. And he's got his hands running down your face. Is it in my head? Cause I just can't let my demons go. You just did it for the dopamine. You didn't mean to leave me so f***ed up. You did it for the dopamine. And could it be that I'm just not enough? It's so hard to accept that you're gone. For the dopamine, you didn't mean to leave me so down. You did it for the dopamine. And could it be that I'm just not enough? It's so hard to accept that you're gone and that's it. You did it for the dopamine. And it didn't mean anything at all. You did it for the dopamine. You didn't mean to leave me so f***ed up. You did it for the dopamine. And could it be that I'm just not enough? It's so hard to accept that you're gone and that's it. You did it for the dopamine. And it didn't mean anything at all. Téléchargez l'application iHeartRadio pour ne rien manquer du seul show rock en ville. Le Rock Show. Énergie. Without you, I can't live at all. My whole world's around you. I stumble and I crawl. You could be my someone. You could be my seed. You know that I'll protect you from all of the obscene. I wonder what you'll do. Can you take it all away? Can you take it all away? arrivez à maison, ne manquez rien du Rock Show. Écoutez-nous sur l'application iHeartRadio, sur Google Home ou Alexa. Plus de classiques, plus de rock. Énergie. À chaque matin, tu te réveilles, 5h25, avec les amis du Boost, compagnie de François Pérus. Je vous le disais tantôt, François qui a son show également les samedis dimanches, les 180 minutes du peuple. Donc, manquez pas ça, les amis. Mike Gauthier également qui sera là avec Stereo Mike en fin de semaine. D'ailleurs, Mike a des billets pour aller voir AC/DC en spectacle. On a parlé d'ailleurs sur l'heure du... c'est dans le retour avec la gang de Ça rentre au poste qui nous a jasé de ça. Je pense que c'est vendredi passé. Mais c'est gros là, comme concours. Donc, si vous voulez gagner des passes pour aller voir AC/DC, ça se passe avec le grand Mike. Au retour, bon moment spécial avec le rappel. Are you ready? ici, à Vancouver. Du 21 au 24 avril, vous et un de vos chums pourriez vous envoler vers Vancouver pour voir le Power Up Tour d'AC/DC au BC Play Stadium le 22 avril prochain. AC/DC. Tout un trip d'une valeur de plus de 3 000 $. Participez, écoutez Stereo Mike ce samedi dès 9h. Énergie. Ici Isabelle Villot. Pas de nouvelles fermetures qui s'ajoutent pour ce soir et la nuit prochaine, mais toujours une voie sur deux de fermée en tout temps sur la 138 Est à l'ouest de la route 368. C'est prévu jusqu'à demain soir, minuit. Et la semaine prochaine, de lundi à jeudi, entre 9h et 15h le jour, fermeture d'une voie sur trois sur le pont de Québec. Il existe des traitements d'ordonnance contre la COVID-19 légère à modérée. Demandez à votre pharmacien ou médecin quels sont les risques de maladies sévères, surtout après 60 ans. La circulation. Présenté par Bel Air Direct. Prenez la voie des soumissions rapides. Rendez-vous en ligne. Bel Air Direct. L'assurance simplifiée. Elles ont tout pour être heureuses, mais Fred a de la difficulté à gérer son anxiété. Pensez-vous qu'elle voudrait être ma psy? Hey, tu n'as déjà deux, toi. Kim a une vie amoureuse instable. Ma vie s'est effondrée en une journée, hein? Je vais mourir toute seule, étouffée par un raisin. Et Justine a un travail qu'elle déteste. J'haïs pas ça, je suis critique de certains aspects. En tout cas, elles ont surtout leur grande amitié. Gâté pourri, une série originale écrite et jouée par Anne-Élisabeth Bossé, Pascal Renaud-Hébert et Suzy Bouchard. À regarder maintenant. C'est bon, Crave. Six arrêts pour une crème glacée sans recharger. 12 nuits sur la route. L'esprit tranquille. 22 déplacements en covoiturage. Encore une charge restante. Mesurez la fiabilité de votre BZ4X en nombre de souvenirs. Pas seulement de kilomètres. C'est l'heure, Toyota. Découvrez tout ce que votre prochain véhicule électrique a à vous offrir chez votre concessionnaire Toyota du Québec ou sur achetermatoyota.ca. Jusqu'au 2 avril, embarquez pour l'élégance à prix de rêve avec le rendez-vous Air France. Wow. C'est le moment de prendre rendez-vous avec Paris à partir de 925 $ ou Lisbonne à partir de 975 $ aller-retour, taxes incluses au départ de l'aéroport international Jean Lesage de Québec. Vous pouvez savourer une coupe de champagne dans toutes les classes, y compris en cabine économie. S'envoler en toute élégance. Air France. Voyager du 12 juin au 6 octobre 2025. Voir conditions sur airfrance.ca. Du 13 au 16 mars, méga vente chez Les Tourneaux. Des économies partout. 15% de rabais sur les accessoires comme les os, jouets, cages et plus. Sans oublier les sacs de litière agglomérante de 14 kg à seulement 10,99 $. Détails sur lestourneaux.com. Vous cherchez des électroménagers de qualité au meilleur prix? Chez Gagnon Frères, nous avons une grande sélection d'électro et des rabais allant jusqu'à 15% à l'achat d'appareils de cuisine de marque sélectionnée. Besoin de conseils? Nous sommes à l'écoute de vos besoins pour vous offrir un service sur mesure et adapté à votre budget. Venez rencontrer nos équipes d'experts dans l'un de nos 7 magasins ou au gagnonfrères.com. La différence est dans le service et dans vos poches. Gagnon Frères, bien commode depuis 1904. Cette année, le Siberia Spa célèbre 20 ans de moments précieux. Pour l'occasion, laissez-vous surprendre tout au long de l'année avec des attentions uniques. Découvrez toutes les surprises et promotions qui vous attendent au siberiaspa.com. Parce que votre santé est précieuse, pensez à la clinique médicale privée Mondoc qui vous accordera tout le temps que vous méritez. Chez Mondoc, on vous accueille avec une approche humaine de qualité. Que vous souhaitiez une garantie de rendez-vous rapide ou un partenaire pour la prise en charge de votre santé, notre équipe accessible et bienveillante est là pour vous offrir des soins adaptés à vos besoins. À Québec et Lévis depuis déjà 8 ans. Maintenant déménagé au coin Wilfrid Hamel et Henri IV à Québec, tandis qu'à Lévis, notre équipe de Charny s'agrandit pour mieux vous servir. Chez Mondoc, on s'occupe de vous. Envie de fromage, de viande et d'une boisson rafraîchissante chez Tim? Faites-en un trio avec la nouvelle pizza sur pain plateau du Chapeau 3 viandes, le nouveau pain à l'ail et un rafraîchi-Tim pêche-limonade. Commandez votre trio chez Tim aujourd'hui dans les restaurants participants au Canada pour un temps limité. Virgin Plus vous offre l'Internet à partir de seulement 39 $ par mois. À ce prix-là, c'est le choix évident. Tu as besoin de continuer la pub? Rendu là. Hey, 39 $ par mois pour l'Internet, je veux dire, non, mais ça se vend tout seul. Sans farce, là. Internet, 39 $ par mois. Merci, bonsoir. Faut dire où trouver ça? Parce que personne va penser d'aller sur virginplus.ca ou dans une boutique Virgin Plus. Ça semble c'est évident, là. C'est une pub de Virgin Plus. Puis faut dire Virgin Plus enfin. Virgin Plus. Évidemment, certaines conditions s'appliquent. On pourrait vous parler longuement des bienfaits de consulter l'équipe de Roy Métivier Roberge pour reprendre le contrôle de vos finances. Mais il n'y a rien comme entendre l'opinion d'un vrai client. Excellent service humain et compréhensif. Grâce à eux, vous serez soulagé d'un énorme stress financier et pourrez reprendre le contrôle de votre vie. Faire affaire avec l'équipe de Roy Métivier Roberge est la meilleure décision que vous pourrez prendre pour enfin vous sortir la tête de l'eau. Il existe des solutions à l'endettement. Roy Métivier Roberge, syndic autorisé en insolvabilité. Salut Nissan! Oh Karine, petit jeu pour toi. Nomme-moi les différences entre le Kicks Play et le tout nouveau Kicks. OK, le Kicks Play est toujours un VUS compact et économe en carburant. Mm-hmm, exact. Le nouveau Kicks, lui, est complètement redessiné, a plus d'espace et la traction intégrale en option. Eh ben, tu connais bien tes Kicks, Karine? Ouais, hein? On dirait presque que je suis la porte-parole de Nissan. Ah, ben oui, voyons. Passez en concession et louez votre Nissan Kicks Play S à partir de 279 $ par mois pour 39 mois. Jusqu'au 31 mars, valeur de 24 455 $ à compte de 1 825 $ sur approbation de crédit. Les conditions s'appliquent. Détails chez Nissan. 98.9. Vos classiques prennent vie. À Énergie. Écoutez Énergie à Québec. C'est un classique. Plus de classiques. Plus de fun. 98.9. Énergie. Prêt pour le rappel? Oh yeah! One, two, three, let's go! Ben oui, le rappel sur Énergie. Salutations à Mathieu qui travaille dans le coin de Mirabel. Lui, il fait des avions. Oh, ben écoute, il y en a d'autres. Bon, ben de compagnie qui font des avions. Salutations à tous ceux et celles qui sont dans le domaine. Merci de nous avoir choisis. Lui, il aimerait ça entendre ce soir les trois accords. Fais ça. David Pinault jouera demande spéciale de Jean-Sébastien et Foo Fighters de Pretender. C'est le rappel du Rock Show. Énergie. Pour Elisabeth, ça, qui travaille aujourd'hui. Hey, à demain, les amis. Please! En soirée. Énergie, le soir. Plus de classiques, plus de fun. Quelle heure est-il où tu es? Un autre avion et tu repars. Je me sens si loin si tu savais. Et j'attends ton retour encore. C'est comme si on vivait à l'envers. J'aimerais te dire qu'on pourra s'y faire. Trying to figure out the time zone's making me crazy. You say good morning when it's midnight. Going out of my head alone in this bed. Quand je m'endors, tu te réveilles. Et je compte les heures, j'en perds le sommeil. De my heart, heart. It's so jet lagged, heart, heart, heart. It's so jet lagged, heart, heart, heart. It's so jet lagged, it's so jet lagged. Je te cherche quand tu n'es pas là. Dans une semaine je reviendrai. Je perds mon souffle quand tu t'en vas. Je m'imagine à tes côtés. Et même si j'essaie de l'ignorer, tu es toujours là dans mes pensées. Trying to figure out the time zone's making me crazy. You say good morning when it's midnight. Going out of my head alone in this bed. Quand je m'endors, tu te réveilles. Et je compte les heures, j'en perds le sommeil. The mind, heart, heart. It's so jet lagged, heart, heart, heart. It's so jet lagged, heart, heart, heart. It's so jet lagged, so jet lagged. Je suis perdu sans toi. Je t'attends encore. Je suis perdu sans toi. Mes rendus les tard. Je suis perdu sans toi. Et je veux vivre ton aura. Je suis perdu sans toi. Et qu'on en sorte plus fort. Je suis perdu sans toi. And turn the hour hand back to when you were holding. You say good morning when it's midnight. Going out of my head alone in this bed. Quand je m'endors, tu te réveilles. To listen, I miss when you say good morning. But it's midnight, going out of my head alone in this bed. Quand je m'endors, tu te réveilles. Et je compte to listen, j'en perds le sommeil. And my heart, heart, heart is so jet lagged. Heart, heart, heart is so jet lagged. Heart, heart, heart is so jet lagged. So jet lagged. It's so jet lag. personne ne peut comprendre ce que je vis maintenant. Costume de bain. Jamais aucun humain n'a ressenti ce que je ressens. J'ai trouvé l'amour et pour toujours je me baignerai dedans. Costume de bain. Costume de bain. Demain, premier show de la semaine avec Marc Denis. Oui. Puis ça va être notre dernier show, pas l'équipe toute complète. Ben, on espère. Demain, toi, tu vas être là. Je vais être là. Moi, je vais être là. Exactement. Et on ne sait pas. Peut-être un souci, peut-être la vue. Soyez là, 5-25, le savoir. J'enfile mes patins, mon casse-micro, on se prépare pour la guerre. L'équipe de l'autre bord, attachez-vous, on va vous faire la fête. Le temps s'écoule, le capitaine nous fait un speech. Prêt pour le match, les boys, on livre la marchandise. Au centre de la glace, on s'étire là pendant le warm-up. L'intimidation, je sais que c'est pas bon, c'est comme la clope. Mais au hockey, on n'a pas le choix pour la gagner. Faut sacrifier tes kilos et les cannes, pas le temps niaiser. Qu'est-ce qui est coulé, les fragolins en punition. Toi tu fais quoi pour les aiglons? Quand on se corrige, ton bâton, ton bateau, achète des escales. Fais y en a, ce serait malade. Après la game, c'est moi qui paye. La cause light. La cause light, la cause light, la cause light, la cause light, la cause light, la cause light, la cause light, la cause light. Les Jolins au cachot, dans deux minutes ce sera pas beau. Ils vont sortir avec leur achat, va brasser en tabasse. La guerre reste encore 22 secondes. Un slash, un snap, je compte le bon. Un ricochet sur le Fajolin. Tire, et c'est lui! Hey les boys! À soi, c'est moi qui paye la cause light. La cause light, la cause light, la cause light, la cause light, la cause light, la cause light. La cause light, la cause light, la cause light, la cause light, la cause light, la cause light, la cause light, la cause light, la cause light, la cause light, la cause light. Espionne de ma fenêtre, promeneuse qui avez un chien. Vous progressez, il est autour de vous, construit des cercles contre lesquels mon regard se heurte. De ma fenêtre, promeneuse qui avait un chien. Vous et le chien vivant sans doute sur une autre planète, où l'homme que je suis, quoi qu'il en pense, n'a pas accès ni de près. Quoi qu'il en pense, n'a pas accès ni de près. ça n'a pas accès, ni de près, ni de loin. Où l'homme que je suis, quoi qu'il en pense, n'a pas accès. Chasser dans nos salines. Je pique au travers du bois vert. J'ai hâte de voir mon bug timer. Entre deux bourrasses de vent, me parfume ma piste de jument. J'en ai rêvé toute l'année. Fait que je vais pas m'en trouver. Bredouille, bredouille. Y'a pas de photo, fait que je continue de fouiller le pourtour du grand bûcher. Jusqu'au fond de la coulée, puis je remonte l'autre bord dans un corset. Fraîche, pas de coucher, même pas de bourgeon de rongée. Pas de frottage, ni de souille, pas de cornoyage, y'a rien qui grouille. J'ai travaillé toute l'année pour prendre ma semaine. Oh, si mes pensées, j'en ai rêvé toute l'année. Fait que je veux pas m'en trouver. Bredouille, bredouille. Sans tendre la couette d'épinette, j'ai le moral qui traîne dans la boîte. J'ai faim, j'ai fret, mon ventre gargouille. En plus de tout ça, fallait qu'il mouille. J'arrive à fourche, que c'est que je vois pas? Un 50 pouces qui m'en regarde. Mais dès que je m'épaule, il pense à tout, il disparaît sans que je prenne de shot. J'ai travaillé toute l'année pour prendre ma semaine. Si vite passé, j'en ai rêvé toute l'année. Bureau du premier ministre. Oui, monsieur Legault, je suis journaliste pour le journal. Ah, je peux-tu vous rappeler? Je suis en train de finir de mettre une couche de primer sur mon chihuahua. Non, je vous crois pas. Et ça se donne-tu, ça, des cours d'invention d'excuses? Fait que Nordvolt, c'est pas mal fini, ça, quoi? Ben, écoutez... Oh, dites bonne idée d'avoir investi là-dedans. Merci. De rien. On a l'intention aussi d'investir massivement dans les cinémas Guzzo. Mais vous avez pas vu venir ça, ce qui se passe avec Nordvolt? Pas tant que ça, non. Hey, pas voir venir quelque chose de même. Oui, mais... C'est mieux de jamais traverser la rue. Non, je reste toujours du même bord. Mais là, quelles sont les chances que le projet Montérégie de Nordvolt oui. voit le jour? Il a autant de chances de voir le jour que... Que Dracula. Chose de même, oui. Mais là, c'est une catastrophe. Non, mais attendez, le Nordvolt a fait faillite en Suède, mais pas en Amérique du Nord. Hey, ça rassure, ça. Ben oui, mais... C'est à peu près comme se faire dire, hey, tu viens de te faire voler ton char, mais Mathieu Bock-Côté peut te donner un livre jusque chez vous. Bon, je peux-tu me trouver une raison de m'accrocher? Babu. Babu. Et associé. Et associé. Non, moi, j'ai un amour. C'est quoi, tu... Invétéré. Non, non, mais c'est ça, il y a un moment donné, c'est pas du caviar, mais... Non, je vous explique. La technique pour ça, c'est qu'on mange, en fait, là, tu y vas graduellement. Donc, au début, tu... Comme tu des huîtres. OK, un petit peu. Mais il y a un bout, tu sais que tu manges ça comme une huître, effectivement. Mais là, c'est ça, si vous continuez de faire des bruits d'huître, on s'en sortira jamais vivant. Tellement bon. Babu et associés. Du lundi au vendredi, 11h25. 98.9 Énergie. Les concessionnaires Honda du Québec sont fiers de rouler sur énergie. Avec l'énergie de la toute nouvelle Civic Hybrid 2025. Passez la voir chez votre concessionnaire Honda dès aujourd'hui. Bienvenue au Lotus Blanc.